Prenons maintenant vendere, qui est un verbe en ere. Pour retrouver la plupart des formes du subjonctif imparfait de ce verbe, on part de sa première personne, qui est vendessi. Vous voyez que c'est tout simple. Pour les verbes en are, on a assi. Pour les verbes en ere, c'est essi. Et pour les verbes en ire, à votre avis? Ici. Ici, tout à fait. Donc, avec partire, pour je, on aurait partissi. Partissi. Mm-hmm. Et pour tu? Partissi. Partissi, c'est ça. Pour nous, vous allez suivre la même règle que pour le verbe en are. Reprenons parlare. Dans une phrase au passé, que je parle ou que je parlasse, se dit parlassi. Parlassi. Que tu parles se dit parlassi. Parlassi, oui. Et nous, c'est parla. Parlassimo. Parlassimo, c'est ça. Ceci est valable pour tous les verbes. Il suffit de remplacer as par es si vous utilisez un verbe en ere comme vendere et par is si vous utilisez un verbe en ire comme partire. Qu'est-ce que ça donne alors, partire, au subjonctif imparfait? Che io? Partissi. Partissi, oui. Et pour tu? Partissi. Partissi, c'est ça. Et nous? Partissimo. Partissimo, tout à fait. Et vous, voi, ça va se dire comment? Partiste. Partiste, d'accord. Revenons au singulier, à la troisième personne. Il, elle ou le vous du vouvoiement. Partissi. Il, elle, partisse. Partisse, c'est ça. Partisse, avec un E à la fin. Et pour finir, il ou elle au pluriel? Partissero. Partissero, bien. Partissero. Revenons à voi. La forme avec voi, c'est? Partiste. Partiste, oui. Avec je, qu'est-ce que ça donne? Partissi. Partissi. Mmh. Et quelle est la forme avec tu? Partissi. Partissi. Et la forme avec nous? Partissimo. Partissimo. C'est ça. Partissimo. Bien. Maintenant, comment diriez-vous « il fallait que je le vende » ou, dans un style plus littéraire, « que je le vendisse » nous avons vu « bisognava », mais en italien, on emploie souvent une autre expression à la place. « Era necessario ». Mot à mot, il était nécessaire. En ce qui concerne « que je le vende » ou « vendisse », ça se traduit par « que » Comment dit-on vendre? Vendere. Oui, vendere, c'est-à-dire un verbe en ere. Donc, il était nécessaire que je le vende. Une phrase au passé se dira Era necessario che io lo vendessi. C'est bien, vous avez dit io pour éviter toute confusion possible avec tu, qui prend la même forme. Vendessi. Redites encore une fois la phrase. Il était nécessaire que je le vende. Era necessario che io lo vendessi. Era necessario che io lo vendessi. Pour je. Et pour tu, on aurait che? Che tu lo vendessi. Che tu lo vendessi. Oui. Que nous le vendions, se dirait Che lo vendessimo. C'est ça. Che lo vendessimo. Pour il ou elle au pluriel, ce sera Vendessero. Bien. Et pour voi Vendeste. Vendeste. Et voilà comment on forme en règle générale le subjonctif imparfait.